À l'idée de trimer durant toute leur vie. Il en est qui se laissent bercer au rythme de leurs envies. On dit que le monde appartient à celui qui se lève tôt, mais pour sur la grasse mat c'est moins stressant que le boulot. N'est-ce pas mieux de prendre son temps, de flâner, de ne faire que ce qu'on sent? N'est-ce pas mieux de se la couler douce, tranquillement rester hors de la course? Alors je dédicace un hymne aussi barite à toutes les feignasses qui se foutent pas et qui en profitent, à ceux qui se prennent à ceux qui ne vivent pas trop vite, et à ceux qui se décarcassent pour soigner leur flemme magique. Ouais. La la la la la la la la la la la la la la la la. Les doigts de pied en éventail et plusieurs poids dans chaque main. Pas facile de marcher ni de tenir un burin. C'est tout un art, ça demande beaucoup de travail. Savoir se tourner les pouces dans les moindres détails. Ce réel talent être en mal considéré. Appel à tous les feignants pour le revendiquer. Alors je dédicace cette hymne aussi barite à toutes les feignasses qui se foutent pas et qui en profitent, à ceux qui se prélassent et qui ne vivent pas trop vite, et à ceux qui se décarcassent pour soigner leur flemme agitée. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Partisans du moindre effort pour vous maintenir en condition. Frigo, bistrot, dodo et procrastination. Rien que d'en parler, je suis déjà fatigué. Je crois que je vais m'arrêter là. Faut pas trop forcer. Alors je dédicace cette hymne aussi barite à toutes les feignasses qui se foutent pas et qui en profitent, à ceux qui se prélassent et qui ne vivent pas trop vite, et à ceux qui se décarcassent pour soigner leur flemme agite. Alors je dédicace cette hymne aussi barite à toutes les feignasses qui se foutent pas et qui en profitent, à ceux qui se prélassent et qui ne vivent pas trop vite, et à ceux qui se décarcassent pour soigner leur flemme agite. Ouais. La la la la la la la la.